Cette lettre nous a montré Julie tranquille, au seuil du divin. La mort qu'elle pressent, et même désire, la saisit. « Madame !» écria Claire, franchant aide la servante, « a voulu sauver un de ses petits garçons qui se noyait. Elle a contracté un mal dont elle meurt. » Cette mort, cette longue mort, c'est le froid, l'impassible Volmar qui la raconte en ses preux.